explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés. Tu connais ? Mais croyez-moi que j'ai pu regarder les paysages par le hublot. Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. N'en déplaise aux terriens que nous sommes, pendant des milliards d'années, l'histoire de la vie sur notre planète s'est principalement jouée dans les océans. Il y a 400 millions d'années, on trouve déjà, dans les mers du globe, des méduses, des gros poissons, les premiers requins seraient même déjà de la partie. Et sur la terre ferme, eh bien c'est la désolation. Pas le moindre animal en vue, des micro-organismes ou des lichens recouvrent une surface désespérément aride et désertique. Alors quelle forme de vie, aujourd'hui disparue, ont peuplé les océans pendant ces milliards d'années d'évolution aquatique? À quoi ressemblaient les premiers vertébrés à s'aventurer sur les continents? Que savent les scientifiques du scénario de leur sortie des eaux? Et comment, par la suite, l'évolution a conduit des mammifères à retourner à la mer pour donner naissance aux cétacés? Pour remonter le fil de l'évolution, cet après-midi, nous nous offrons une plongée dans le passé des océans à la découverte d'une faune disparue. Dites-leur que s'ils ne quittent pas mon bateau immédiatement, je les préviens, ça risque de chier les bulles. Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Gaël Clément. Bonjour. Vous êtes professeur en paléontologie au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez été l'un des conseillers scientifiques sur l'exposition Océan, une plongée insolite, présentée actuellement au Muséum. Et nous allons plonger donc avec vous dans le passé des océans, à la découverte d'une faune aquatique aujourd'hui totalement disparue. Et puis vous nous direz ce que l'on sait de cette étape importante dans l'évolution des vertébrés sur laquelle vous travaillez tout particulièrement, la sortie des eaux et la conquête des continents. Les auditeurs peuvent vous adresser une question sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. À 17h, nous partirons sur les traces de l'un des plus grands ethnologues du XXe siècle, Claude Lévi-Strauss. Voilà pour les étapes du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Mathieu Aoued et Océane Théard. J'ai dans mes mains le plus vieux sédiment retrouvé sur Terre. Il s'est formé dans l'eau. Dans chaque couche, on trouve des traces de vie microscopiques. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Il s'est formé il y a 3,5 milliards d'années. C'est donc 1 milliard d'années après la formation de la Terre. Ces traces de vie sont donc déjà assez évoluées. Ce sont bien les plus anciennes traces de nos ancêtres. Nous avons évolué à partir de ces bactéries. Pas d'un seul coup, bien sûr, mais il s'agit de nos ancêtres directs. La géologue Franz Vestal, alors des formes de vie datées de 3,5 milliards d'années. Alors cela ne veut pas dire, Gaël Clément, que la vie est apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. D'autres formes de vie, plus simples encore, certainement, ont dû apparaître avant, mais on n'en a pas encore trouvé la trace. C'est ça, c'est bien évident. Quand on trouve la trace physique d'un fossile, bien évidemment, les organismes à leur origine étaient également présents. Donc le but, c'est effectivement de repartir le plus lointain possible dans le temps. Pour se rapprocher effectivement de l'origine de la vie. Là, on parle de 3,5 milliards d'années. Il y a eu d'autres traces à 3,8 milliards d'années et on peut estimer que les premières traces de vie pourraient dater de 4 milliards d'années, ouais. Sachant que l'origine de la Terre est de 4,5 milliards d'années. Autrement dit, dans les tout premiers âges, dans la toute jeunesse de notre planète, la vie aurait émergé. Les scientifiques, à ce jour, ont une vague idée de ce qui s'est passé, de comment la vie est apparue sur Terre. Alors il y a beaucoup d'études sur l'origine de la vie, bien évidemment. C'est très compliqué parce que déjà c'est très loin et puis ce sont des structures qui sont minuscules pour former les premières traces de vie. Et il y a plusieurs hypothèses, des hypothèses très intéressantes. Il y a des hypothèses internes, c'est-à-dire que la vie sera apparue à partir des composés terrestres. Donc il y a plusieurs hypothèses au niveau, toujours au fond des océans, que ce soit dans les abysses par rapport aux fumeurs noirs par exemple, qui rejettent énormément de composés minéraux sous une forte pression, une forte température, qui auraient permis la fabrication des premières briques élémentaires de la vie. Donc ça, ce sont des petits geysers qui se trouvent au niveau des dorsales, des sortes de volcans sous-marins. Exactement. Et on imagine que peut-être à cet endroit-là, s'est joué quelque chose dans l'apparition de la vie. Voilà, donc ça c'est une des hypothèses. Alors ce qui est intéressant, c'est que les fumeurs noirs existent toujours, donc on peut essayer de reproduire cette apparition de la vie. Une autre hypothèse, c'est également l'agglomération des tout premiers composés dans les argiles. Le fait d'avoir un milieu très confiné aurait pu former aussi les premières briques élémentaires de la vie. Et puis une autre hypothèse, complètement différente, qu'on appelle la panspermie, c'est-à-dire que la vie pourrait venir de l'espace, et en particulier des météorites, puisque certaines météorites ont été étudiées de façon très précise, et à l'intérieur de ces météorites ont été observés beaucoup de composés assez complexes, dont des premiers alcools et parfois même des premiers acides aminés. Ce qui ne fait que décaler le problème, hein, ou la question, parce que si la vie a été apportée par ces météorites, encore faut-il savoir comment elle s'est formée ailleurs dans l'univers. Alors, ce sont les briques élémentaires qui ne sont pas les briques élémentaires dont on parle, qui seraient apparues au niveau des fumeurs ou par les météorites, ne sont pas les éléments de la vie. Il faut les associer, et c'est là où c'est bien compliqué et où les chercheurs sont en train de comprendre comment, à partir de différents éléments, on peut arriver à une chaîne complexe comme des protéines qui, par la suite, peuvent former une cellule et ainsi de suite. On est sûr que ça s'est joué dans l'eau, cet assemblage de ces briques élémentaires organiques qui ont abouti à des êtres vivants. Oui, même si les composés eux-mêmes, par exemple dans les météorites, ne sont pas dans l'eau, il a fallu un solvant particulier. Et l'eau est le plus abondant et le plus à même de réaliser effectivement cette formule chimique de la vie. Donc quand on dit dans l'eau, c'est forcément dans les océans, ou ça peut être dans des mares, dans des lacs d'eau douce, ou on est forcément dans les océans au moment de l'apparition de la vie? Non, c'est pas forcément les océans. Les océans n'ont pas une différence par rapport à la salinité, par exemple, n'est pas un élément important pour la fabrication de la vie, ça aurait pu être effectivement dans l'eau douce. Alors il y a 3,5 milliards d'années, à quoi ressemble notre planète et ces premières formes de vie dont on a quelques traces? Ce sont des formes de vie très simples qui étaient sans doute à l'époque déjà en grande abondance, mais très peu diversifiées. Donc ce sont des tout petits organites, sorte de bactéries, on appelle aussi en particulier les cyanobactéries, qu'on appelait auparavant les algues bleues, et qui ont eu un rôle très important puisqu'elles ont libéré au fur et à mesure, en consommant du dioxyde de carbone, libéré de l'oxygène. Et il y a 3,5 milliards d'années, c'est assez difficile effectivement d'imaginer le monde à cette époque-là, le ciel n'était sans doute pas bleu, il est plutôt marron, orangé, semble-t-il. Ah oui. Avec une planète qui tourne plus vite sur elle-même aussi. Il n'y avait pas 24 heures dans une journée, mais beaucoup moins d'heures que ça. Et c'est un petit peu de la science-fiction, finalement. On a finalement un petit peu de mal à imaginer quelle pouvait être la Terre il y a 3,5 milliards d'années. On ne reconnaîtrait pas notre propre planète si on nous téléportait il y a 3,5 milliards d'années en arrière. Ces formes de vie sont donc des êtres unicellulaires, à une seule cellule. À partir de quand, dans les océans, on va voir apparaître des animaux un peu plus complexes, en tout cas à plusieurs cellules? Alors c'est assez difficile aussi de voir ça dans les sédiments, parce que ce sont des organismes qui sont minuscules, qui au début ne sont pas minéralisés, donc qui ont des corps mous, ce qui fait que la fossilisation se faisait très très mal. On a vraiment des traces vraiment évidentes à partir d'un milliard d'années d'organismes complexes. Mais par contre, il faut attendre encore un petit peu de temps, donc 540 millions d'années, pour vraiment avoir, au moment ce qu'on appelle, enfin on appelait auparavant l'explosion cambrienne, des formes très diversifiées, avec des représentants de groupes actuels, avec des carapaces, avec des yeux, avec des organes complexes. Et finalement, la vie est apparue en gros il y a 3,8 milliards d'années, mais les formes complexes, c'est 500 millions d'années. Donc c'est resté à l'état, on va dire, simple, simplifié pendant 3 milliards d'années. Oui, c'est-à-dire que le démarrage a été très lent. Pendant 3 milliards d'années, en gestation dans les océans, on a eu des êtres unicellulaires. Et puis, alors maintenant, on accélère le temps, on arrive il y a 400 millions d'années. Qu'est-ce qu'on croise dans les océans à ce moment-là? Alors 400 millions d'années, ça reste quand même assez lointain. Les dinosaures n'ont pas pointé du tout le bout de leur nez. Sur Terre, c'est le désert absolu. Mais dans les océans, qu'est-ce qu'on commence à pouvoir apercevoir? Alors dans les océans, mais également dans les lacs, dans les fleuves, il y a une vie qui est foisonnante. Il y a des coraux, des méduses, des crustacés, et également des vertébrés. Les vertébrés sont présents depuis déjà un petit moment. Ils sont très diversifiés. avec des groupes qui n'ont plus de représentants actuels, mais qui ont des formes un petit peu de science-fiction également. Par exemple, il y a un groupe qui était le plus abondant à l'époque, le groupe majoritaire, qu'on appelle les placodermes. Alors, ça ressemblait à quoi ? Alors, les placodermes, comme leur nom l'indique, ils ont des plaques sur le derme. En fait, ils ont des os épais sur l'avant du corps. Des sortes de carapaces, en quelque sorte. En sorte de carapace sur l'avant du corps qui les protégeait. Et par contre, l'arrière du corps était nu ou à peine recouvert d'écailles et permettait la propulsion. Il faut imaginer des sortes de poissons, donc caparaçonnés, avec des mâchoires. Ce sont les premiers organismes à mâchoires. Alors bien qu'ils aient des mâchoires, ils n'avaient pas de dents, mais ça n'empêchait pas qu'ils aient des mâchoires acérées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient très diversifiés. Donc certains pouvaient atteindre 8 mètres de long et étaient des grands prédateurs. Oui. On a déjà, donc vraiment, on a des grosses bêtes. Hein. Ça peut atteindre 10 mètres de long, alors que sur Terre, encore une fois, rien. Voilà, on a des écosystèmes très complexes, ouais. Avec donc bien sûr des chaînes alimentaires et des comportements aussi sociaux qui devaient être beaucoup plus complexes qu'on imagine. On a souvent l'idée, voilà, puisque c'est loin dans le temps, forcément, ouais. C'était primitif. Des comportements robotiques, primitifs, agressifs, forcément agressifs. Et on se rend compte que, avec nos découvertes, en particulier les plus récentes, il y avait sans doute des comportements sociaux importants chez les placodermes. Par exemple, on a découvert récemment en Belgique que les mères mettaient bas ou pondaient les œufs dans des zones protégées de faible profondeur d'eau, dans des sortes de pouponnières, dans des sortes de nurseries, pour se développer tranquillement à l'abri des prédateurs, pour à l'état adulte aller en pleine eau. Beaucoup d'organismes actuels le font aussi. Donc déjà 400 millions d'années en arrière, il y avait cette espèce d'instinct maternel ou en tout cas de protection de sa progéniture. Tout à fait, avec des comportements aussi de parade nuptiale, très certainement. Comment on peut savoir ça ? On peut savoir ça parce que on voit un dimorphisme sexuel important entre les mâles et les femelles, avec également des traces de morsures, parfois donc au niveau des nageoires ou à l'arrière du cou, et un organe de pénétration. Donc il y avait vraiment un couplement. Donc il fallait quand même, pour des animaux considérés comme très agressifs, qu'un mâle puisse approcher d'une femelle sans se faire manger. Et après, donc, il y avait un accouplement. Après l'accouplement, il y a le développement des petits. Et on se rend compte aussi que c'est beaucoup plus compliqué qu'on imaginait. Ils ne pondaient pas des œufs pour la plupart, mais il y avait un développement interne avec quasiment une forme placentaire chez les placodermes. Les requins existent déjà, il y a 400 millions d'années. Les requins existent déjà, mais ils sont très minoritaires. Ils sont apparus il n'y a pas très longtemps, auparavant. Ils sont un petit peu dans l'ombre, puisque les placodermes prennent l'ensemble donc des écosystèmes. À la fin du Dévonien, il y a 360 millions d'années, les placodermes disparaissent tous, ouais. À cause d'une crise environnementale majeure. Et à la période suivante, le Carbonifère, c'est vraiment l'âge des requins. Là, ils se développent énormément et deviennent majoritaires. Mais alors, soit dit en passant, ces requins ont quand même traversé plusieurs grandes crises d'extinction. S'ils sont apparus il y a 400 millions d'années, là où la plupart des dinosaures ont trépassé, sauf ceux qui sont devenus les oiseaux, mais enfin, ils sont très minoritaires, la plupart des dinosaures ont disparu, d'autres espèces ont disparu à plusieurs reprises. Il y a eu des crises d'extinction, eux, ils ont à chaque fois survécu. Alors, ils ont survécu, il faut bien imaginer que ce n'est pas la même espèce bien au cours sûr. Du temps. Certains spécimens. Les requins du passé sont très différents des requins actuels. Et on observe effectivement des périodes. Alors, carbonifères, ils sont très, très abondants. Par la suite, au Trias, ils deviennent un petit peu moins abondants, quasiment minoritaires. Et à chaque grande crise, il y a une disparition d'un grand groupe, un grand nombre d'espèces de requins, effectivement. Mais certains, de par leur habitat et leur mode alimentaire, sans doute qui les protégeaient des conséquences des grandes crises, que ce soit au Jurassique, Crétacé, etc. Et ont pu repartir et se rediversifier en formant de nouvelles espèces. Et tandis que les premiers requins apparaissent sur Terre, que la vie se diversifie dans les océans, que se passe-t-il sur la Terre ferme ? Sortons un petit peu la tête de l'eau pour aller voir ce qui se passe sur les terres émergées à cette période. Il y a 460 millions d'années, les plaques tectoniques ont encore bougé. Un nouveau continent unique s'est formé, le Gondwana. La température ambiante avoisine les 30 degrés et le taux d'oxygène est proche de celui que nous connaissons aujourd'hui. Le sol devrait être recouvert de végétation et fourmillé de créatures. Mais hormis quelques algues, c'est une terre aride qui s'étire à perte de vue. Il ne peut y avoir qu'un seul responsable. Le soleil. Pourquoi, dans un premier temps, le soleil est-il considéré comme un frein au développement de la vie sur Terre ? Alors ça, c'est une des hypothèses qui pourrait effectivement expliquer le tel retard effectivement de développement sur la vie sur Terre. Le soleil émet des rayons ultraviolets qui sont très puissants et qui, s'ils ne sont pas filtrés, s'ils ne sont pas stoppés en partie, peuvent être mortels pour les organismes. Il y a 400 millions d'années, le taux d'oxygène est relativement élevé dans l'eau, mais également dans l'oxygène, dans l'air, dans l'atmosphère. Et les rayons créent une réaction chimique avec ces molécules d'oxygène pour former l'ozone. Et donc il y a une couche d'ozone qui se forme en haute altitude, et cette couche d'ozone, ce qui est toujours vrai, heureusement pour nous, filtre une très grande partie des rayons ultraviolets, en particulier ceux qui sont le plus dangereux pour les organismes. Autrement dit, il a fallu attendre que cette couche d'ozone, et ça a pris plusieurs dizaines de millions d'années, se constitue autour de la planète pour que l'on puisse envisager une sortie de la vie sur la Terre ferme un peu plus ambitieuse que juste quelques bactéries, quelques algues et quelques micro-organismes. Voilà, ça c'est une des hypothèses effectivement qui est mise en avant, bon avec d'autres aussi sur le besoin d'attendre effectivement des formes complexes qui puissent effectivement se déplacer sur le sol terrestre, et puis également donc un taux d'oxygène suffisant et un taux de dioxyde de carbone qui soit aussi suffisamment bas. Alors bientôt, grâce à tous ces changements, les vertébrés vont sortir de l'eau. Vous allez nous dire ce que l'on sait du scénario de la conquête des continents par les vertébrés, Gaël Clément. Et les questions des auditeurs arrivent sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Nurseling, still in my jeans. When I fell asleep, I was still in my jeans. Then I had a one girl to keep me clean. She want eat man like idiot. I mean, what do you mean? I come for the cream. I made some mistakes that I gotta redeem. You put me in position I don't wanna be in. We all made mistakes. I'm a human being. North Korean Kim Jong-un, when I spray the machine, you're on the other side if you ain't on my team. You get blacklisted if you hate on my team. Fam, I say what I mean, I keep my demons close. Late night, I speak to the ghost. Get high, fell asleep in my clothes. Animal instinct, sex, money, murder, I fear nobody. Keep something on me, cause I'm better safe than sorry. I'm a top boy like Sully with a six-figure hobby. You're still on the road, better be getting that belly. Kicking off doors, better give it some welly. I came in the game, ran it like an athlete. Got a big money scheme, all my brothers had to eat. Thought I was a scrub sitting in the back seat. I was counting my money, making sure it's complete. They can't compete, there ain't no competition. I take what I want, you get what you were given. They're calling me a rapper, man, I think I'm a magician. I didn't wanna kill them, but these niggas never listen. Nursing still in my jeans. When I fell asleep, I was still in my jeans. Then I had a one girl to keep me clean. She want eat, man, like idiot. I mean, what do you mean? I come for the cream. I made some mistakes that I gotta redeem. You put me in position I don't wanna be. We all made mistakes, I'm a human being. North Korean Kim Jong-un, when I spray the machine, you're on the other side if you ain't on my team. As soon as I wake up, I'll be chasing my dreams. All we do is win and we ain't changing the teams. I still creep through the hood, pull up on my brother just to see if he's good. See them with the gang, they be giving me looks. See him on these ones, I can see that he's shook. Mad cause I made it. New whip looking like a spaceship. You're looking like you're stuck inside the matrix. I could teach you how to hustle, how to save it. When the money talks, I can translate it. I'm the go-getter. G'd up with my feet up, it's no pressure. They make threats, but they never put their hands on me. They know better. You would get pepper, hot like Coachella. You're not clever, you're coming unstuck. I was up north, I was getting enough love. Back down south, trying to make a young buck. And I'll be still going when the sun comes up. Nursing still in my jeans. When I fell asleep, I was still in my jeans. Then I had a one girl to keep me clean. She want eat, man, like idiot. I mean, what do you mean? What do you mean? C'était Skepta sur France Inter. Difficile de croire que cette minuscule carrière de Stru est mondialement connue dans un domaine particulier, celui de la paléontologie. La preuve, avec cette visite de paléontologues venus de Chine, de Lettonie, d'Iran ou encore d'Australie, tous connaissent cette carrière. Ce site est vraiment connu ? Oui, certainement. Je le connaissais avant parce que j'ai rencontré les personnes qui ont travaillé ici et je le connaissais aussi via la littérature scientifique. Mais pourquoi un tel engouement pour cette carrière? C'est ici que les scientifiques ont trouvé les traces d'un tétrapode. C'est un vertébré, comme vous et moi, avec quatre membres. Les poissons ne sont pas des tétrapodes parce qu'ils n'ont que des nageoires. Et ces nageoires, au cours de leur évolution, finalement se sont transformées en pattes qui leur permettaient de se soutenir. Donc éventuellement de sortir de l'eau et de pouvoir marcher. Le site de Strude en Belgique, un site que vous connaissez bien, Gaël Clément, paléontologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez effectué des fouilles sur ce site belge. Qu'a-t-il de particulier ? Alors, après plusieurs années de fouilles, on s'est rendu compte que ce site était finalement l'un des plus anciens écosystèmes continentaux connus. Avec en plus une grande diversité de plantes, d'invertébrés et de vertébrés. Ce qui fait que c'est un petit peu comme une photo, un cliché d'une époque vraiment charnière dans l'histoire de la vie. C'est l'apparition des... On est finalement quelques millions d'années après l'apparition des premiers tétrapodes, mais avant leur terrestrialisation, donc avant leur sortie de l'eau. Donc on se situe à quelle période ? On est en moins 365 millions d'années en arrière ? Voilà, c'est ça, moins 365 millions d'années. À moins 360 millions d'années, on a la crise du dévonien carbonifère, où l'ensemble des placodermes vont disparaître, et où les tétrapodes aussi vont prendre un coup sur la tête. Et ce n'est qu'au carbonifère qu'on va retrouver, mais plusieurs millions d'années plus tard, vraiment des tétrapodes terrestres, franchement terrestres. Alors il faut qu'on s'arrête sur ces tétrapodes, parce que c'est avec eux que tout va se passer, la fameuse sortie des eaux qui va permettre aux vertébrés d'investir les différents continents de la planète. Ces tétrapodes, qui sont-ils ? Et présentez-nous un peu ce... On n'est plus vraiment en train de parler d'un poisson quand on parle des tétrapodes. Non, alors ce n'est plus un poisson. Un tétrapode, comme son nom l'indique, hein, ça veut dire quatre pattes. Donc c'est un animal vertébré qui peut atteindre 1 à 3 mètres de long, avec un crâne aplati, avec des mâchoires garnies de dents, avec un corps fusiforme, une large queue pour se déplacer dans le milieu aquatique, et des membres munis de pattes et de doigts. Autrement dit, ils ont des pattes, ils ont des doigts, mais ils sont encore totalement aquatiques dans un premier temps, c'est-à-dire que l'évolution a permis, a abouti à l'apparition de pattes bien avant qu'on s'en sert pour sortir de l'eau. Oui, ça c'est une chose qui est étonnante. Il y a encore quelques années, on pensait que la sortie des eaux s'était faite assez rapidement, en quelques millions d'années. Et maintenant, on a vraiment une image beaucoup plus claire et on s'est rendu compte que ça, c'est une histoire qui se déroule sur quasiment 50 millions d'années. Mmh. Et par exemple, si on revient sur l'histoire de la patte et de la main est apparue pour une fonction aquatique d'abord et est restée pour une fonction aquatique pendant plus de 20 millions d'années, avant que cet organe se trouve adapté à une marche terrestre. Ça servait à quoi d'avoir une main sous l'eau il y a presque 400 millions d'années? Ça c'est une bonne question, il y a aussi beaucoup d'hypothèses, certaines sérieuses, d'autres un peu plus farfelues. Il y en a une qui est intéressante, c'est que ça correspond aussi au développement des plantes, et des grandes plantes, et en particulier des plantes épineuses. Donc quand on trouve les premiers tétrapodes, on les trouve aussi dans des environnements encombrés de plantes, et une des hypothèses c'est que ces organismes-là, qui faisaient 1 mètre, jusqu'à 3 mètres, étaient des prédateurs, mais étaient également la proie d'organismes qui pouvaient faire 8 mètres de long et qui les croquaient bien volontiers. Et donc le fait de pouvoir se rapprocher des berges et de pouvoir aller fourrager dans les environnements encombrés de plantes lui permettait, un, de se mettre à l'abri des prédateurs qui étaient des poissons et donc qui risquaient de se déchirer les nageoires, et d'accéder à une niche alimentaire nouvelle. Sachant qu'il faut toujours le rappeler à ce moment quand on raconte l'évolution, qu'il n'y a pas de but à l'évolution. Simplement, ce sont des adaptations qui ont émergé un peu par hasard, et quand elles présentent un avantage sélectif, eh bien elles perdurent parce que c'est les espèces qui les possèdent survivent et de génération en génération gardent ce caractère acquis. Mais il n'y a pas vraiment, et ça aussi c'est une idée que l'on a un peu fausse, mais peut-être parce que nous vivons sur Terre et nous avons l'impression que c'est l'endroit où il faut être pour bien vivre, on a un peu pendant longtemps eu cette idée que dans l'eau les animaux ont eu envie de s'accrocher à la terre ferme et de conquérir les continents. Il n'y a pas de volonté dans l'évolution. Non, bien sûr qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de finalité dans l'évolution. Et c'est vrai que très souvent, on entend même le terme sortie des eaux, oui, a un côté positif. On entend parler de conquête du milieu terrestre. Et effectivement, alors moi j'ai même une hypothèse qui va à l'inverse de ça, c'est que les premiers organismes à aller effectivement sur la terre ferme ont ont finalement été rejetés, ne se sont pas du tout adaptés à la compétition du milieu aquatique et au fur et à mesure ont été rejetés, se sont trouvés des environnements dans lesquels ils pouvaient être à l'abri effectivement de ces prédations importantes, de cette compétition, et se sont adaptés à un environnement de plus en plus proximal, marginal et puis terrestre. Donc ça ne s'est pas fait en une seule fois et ça ne s'est pas fait facilement, hein, c'est ce que vous nous dites, cette sortie de l'eau, même si le terme vous le trouvez déjà un peu trop positif. Oui, on peut parler de terrestrialisation, mais voilà, c'est, autant continuer à utiliser le terme sortie des eaux en l'expliquant. Alors, pour l'instant, on n'a pas de preuve qu'il y a eu plusieurs sorties des eaux des vertébrés à différents moments, par exemple. Mais c'est sans doute le cas. Il y a eu sans doute différentes tentatives, entre guillemets. Encore une fois, c'est presque dans un sens positif. Mais en tout cas, on n'a pas de traces fossiles. Par contre, on a donc à la fin du Dévonien une quinzaine de genres de tétrapodes qui sont connus, encore une fois tous considérés comme inféodés au milieu aquatique, et on a malheureusement ces millions d'années du début du Carbonifère, sur lesquels on a très peu de restes fossiles, mais on a déjà donc des traces de premiers tétrapodes qui sont terrestres, qui se déplaçaient réellement sur le milieu terrestre. Mais où, comment et quand précisément ça s'est passé, ça on ne le sait pas encore. Et pendant longtemps, hein, les tétrapodes vont avoir des vies en partie liées à l'eau. Ce sont des amphibiens primitifs et ils partagent cette caractéristique finalement avec les amphibiens actuels. Depuis leur apparition, il y a 365 millions d'années, les amphibiens ont évolué sous des formes diverses. Il en existe aujourd'hui plus de 7000 espèces qui vivent dans des habitats variés sur la terre ferme et dans l'eau. Parmi elles, les salamandres, les grenouilles et les tritons. Mais un amphibien reste inévitablement lié à l'eau. D'abord, sa peau est humide et si elle se dessèche, l'animal meurt. Ensuite, ses œufs, comme le frais des grenouilles, sont protégés uniquement par une enveloppe gélatineuse. La femelle doit pondre, sinon dans l'eau, du moins dans un environnement humide. Il a fallu que les vertébrés résolvent ces deux problèmes avant d'être capables de coloniser la terre ferme. Les amphibiens actuels ont gardé ce besoin de vivre une partie de leur vie ou de leur cycle de vie dans l'eau. Et puis une autre partie des amphibiens primitifs, Gaël Clément, a évolué pour finir à s'affranchir complètement du milieu aquatique. Nous en sommes la preuve vivante. Oui, alors on est affranchi, on n'est pas complètement affranchi, je vais développer un petit peu. Effectivement, les amphibiens ont besoin de retourner à l'eau pour pondre les œufs et le développement larvaire. Ce ne sont que les adultes que l'on peut voir marcher sur Terre. Pour les autres organismes, il y a eu l'apparition donc de l'œuf amniotique, assez vite finalement, à la fin du Carbonifère, il y a à peu près 300 millions d'années. Et l'œuf amniotique, c'est cette protection donc qui permettait la respiration avec des ressources alimentaires pour l'embryon et qui permettait effectivement, de façon quasiment artificielle, de reproduire l'environnement liquide, aqueux, pour le développement des jeunes, des embryons. Donc c'est vrai pour tout ce qui est oiseaux aujourd'hui, qui pondent des œufs, les crocodiles, les lézards, les serpents, les tortues, etc. Et puis, il y a une autre voie aussi qui s'est développée avec les placentaires, dont nous sommes. Et quand on a effectivement une maman qui est enceinte, c'est que l'embryon, le fœtus, se développe dans l'utérus, qui est dans la poche amniotique, et toujours donc dans cet environnement aqueux, indispensable au développement. Donc le liquide amniotique, finalement, est proche de la composition de l'océan, de la mer, et on peut se dire que c'est une trace de nos origines aquatiques, c'est un vestige de ça, nous portons en nous ces traces. Ah oui, alors c'est une trace de notre développement et de notre origine aquatique, ça c'est certain. Après, la composition du liquide amniotique n'est pas précisément celle du monde marin, comme on l'entend parfois, c'est plus compliqué que ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a un effet un petit peu magique à voir tout ce bricolage de l'évolution un petit peu pour pouvoir s'affranchir du milieu aquatique, que ce soit l'œuf ou que ce soit effectivement l'utérus. Ça n'avait rien d'évident de quitter la mer pour ces organismes marins. En tout cas, une chose est sûre, tous les vertébrés actuels que l'on trouve sur Terre sont des descendants des tétrapodes. En fait, il n'y a qu'une lignée qui a réussi sa sortie des eaux, si j'ose le dire comme ça. J'emploie des termes positifs, mais parce que je suis un terrien, malgré tout. Oui, non, ce qui est vrai, c'est que enfin, notre connaissance actuelle n'est pas encore suffisante pour bien comprendre la richesse et la diversité des tétrapodes du Dévonien. Ce qui est certain, ou quasiment assuré, c'est que ça s'est sans doute passé en une fois, ou deux fois, ou trois fois, mais en tout cas un nombre limité, et que ces tétrapodes du Dévonien sont à l'origine, effectivement, de l'ensemble des vertébrés terrestres, qui sont, comme vous le disiez, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, et donc nous. Les vertébrés ont mis du temps à sortir de l'eau, et pour certains, l'évolution les a conduits à y retourner. C'est le cas des baleines et de tous les cétacés. Vous allez nous raconter, Gaël Clément, quand et comment s'est déroulé ce retour à la Terre. Je suis curieux de savoir à quoi ressemblaient les ancêtres terrestres des baleines. Le long fleuve doux, c'est le fleuve où on envoie les fous. Tous ces fous qui se mettent à nu, qui sont à bout, qui n'en peuvent plus de voir les fous partout. On y prend goût. Mais je me passerai bien de lui, j'avoue. Il est saoul, il fait des bleus, il mène à bout, il pique les yeux, il me rend flou. C'est fou. Je me Fleuve doux, c'était Kerenan sur France Inter, le temps d'un bivouac. Hans Fewison recherche des restes d'animaux terrestres. Ce qu'il va trouver dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Dans de la roche vieille de 49 millions d'années, il déniche les os d'une créature inconnue. J'étais extrêmement frustré d'avoir un si beau squelette et d'être incapable de l'identifier. Puis il repère un os spécifique à certains animaux d'aujourd'hui. Tout à coup, ça m'a frappé. C'est un os présent dans l'oreille des baleines. Ça a été une révélation. J'ai compris l'importance de ce fossile. C'était une baleine en devenir, avec des pattes. C'est un flagrant délit d'évolution. Un flagrant délit d'évolution. Hans Thyssen, paléontologue, découvrant ce squelette lors d'une fouille en Inde. Un fossile vieux de 49 millions d'années qui correspond à une espèce ancêtre des baleines. On a l'impression, Gaël Clément, que finalement pour ces mammifères, le retour à la mer a été plus rapide que ne l'avait été la sortie des eaux. Effectivement, c'est plus rapide parce que 49 millions d'années, c'est tout est relatif bien évidemment, mais d'un point de vue géologique, c'est très très court. En particulier quand on imagine que en 49 millions d'années, on est passé d'un animal qui ressemble grossièrement à une petite antilope. C'est ça, l'ancêtre des baleines d'aujourd'hui. À un moment donné, il y a 50 millions d'années, vivait sur Terre un animal qui ressemblait à une petite antilope et qui, en évoluant finalement assez rapidement, a donné ces gigantesques baleines bleues que l'on voit dans les océans. Ça paraît complètement incroyable. Ça paraît incroyable et pourtant on a toutes les preuves. Et c'est ça qui est intéressant pour l'histoire évolutive des baleines, des cétacés en général. C'est qu'on a maintenant quand même une série de fossiles qui nous permet de bien mieux comprendre effectivement ces modifications et ces adaptations au milieu marin. Avec une augmentation effectivement de la taille, avec une disparition progressive des pattes arrière, qui sont complètement absentes chez la plupart des cétacés d'aujourd'hui. Et une transformation des pattes avant en palais natatoire. Il n'empêche qu'il faut le rappeler que ce sont des mammifères, c'est-à-dire qu'ils respirent à la surface avec des poumons, certains ont encore quelques poils, et les mamans donnent naissance à des petits qui sont entièrement formés et qui par la suite vont les allaiter. Mais on pourrait imaginer, si on fait de l'évolution fiction, que ces baleines se poissonnisent et réacquièrent des branchies à l'avenir. Enfin, est-ce qu'on peut imaginer qu'elles redeviennent des sortes de poissons? Non, alors il n'y a pas de régression. Mais ce serait pas une régression, ce serait une nouvelle évolution finalement. Disons que de temps en temps, il y a des choses assez étonnantes. Il y a par exemple des baleines qui ont eu une mutation et qui naissent avec, alors qu'elles ne devraient pas en avoir, des petites pattes arrière. Donc de temps en temps, effectivement, il y a des choses surprenantes comme ça. Donc dans nos gènes, dans les gènes, il reste des sortes de séquences fossiles qui parfois sont réactivées. Mais là, ce sera beaucoup trop complexe. L'histoire était très longue, comme vous l'avez dit, pour réussir donc cette sortie des eaux, avec des modifications très très très importantes, vraiment fortement ancrées au plus profond de nous. Maintenant, quand un mammifère va retourner à l'eau, il va pas pouvoir revenir à l'état poisson. Il va, encore une fois, le bricolage de l'évolution, modifier ses structures pour pouvoir s'adapter à un environnement radicalement différent. Alors Darwin avait imaginé un scénario en son temps pour expliquer les processus qui avaient abouti à l'apparition des baleines. Hearn a vu en Amérique du Nord l'ours noir nager pendant des heures, la gueule toute grande ouverte, et attraper ainsi des insectes dans l'eau. Même dans un cas aussi extrême que celui-ci, si l'apport en insectes était constant, et si des concurrents mieux adaptés n'existent pas encore dans la région, je ne vois aucune difficulté à ce qu'une race d'ours soit rendue, par la sélection naturelle, de plus en plus aquatique dans leur structure et leurs habitudes, avec leur bouche devenant de plus en plus grande, jusqu'à ce qu'une créature aussi énorme qu'une baleine soit produite. Extrait de l'origine des espèces de Darwin. C'est étonnant de clairvoyance, comme beaucoup de choses chez Darwin. Oui, toujours, bien évidemment. Après, il faut aussi bien imaginer que ce n'est pas une évolution linéaire. Il faut imaginer ça un petit peu comme un arbre buissonnant, un petit peu comme un rosier grimpant finalement, avec différentes branches. Certaines branches disparaissent, d'autres se poursuivent, et puis disparaissent encore, puis se poursuivent. Et à chaque fois, c'est une espèce différente. Donc il n'y a pas de morphing chez ces organismes-là. Mais en 49 millions d'années, 50 millions d'années, effectivement, c'est surprenant de pouvoir avoir une telle modification anatomique, morphologique dans l'histoire des baleines. Il y a d'autres exemples d'animaux terrestres que l'évolution a conduit à retourner à la mer? Oui, il y en a un certain nombre qui sont retournés à la mer. On peut penser aux tortues marines, par exemple. Je crois que les plus anciennes tortues marines datent d'environ 100-110 millions d'années, qui sont parfaitement inféodées aussi à leur environnement marin. Dans le passé, il y a également eu des retours à l'eau avec des espèces qui ont disparu aujourd'hui, comme par exemple, vulgairement parlant, les reptiles marins, les ichthyosaures, les plésiosaures, les mosasaures. Ce sont des animaux qui étaient des grands prédateurs, parfaitement adaptés aussi au milieu marin, pour leur alimentation, pour leur locomotion, et qui étaient issus de groupes qu'on appelle les diapsides, alors qui représentent aujourd'hui plutôt ce qu'on appellerait les reptiles. varan, serpent, etc., crocodile. Alors dans cette émission, on s'est surtout intéressé au sort des vertébrés. On a parlé aussi de quelques bactéries, de plantes qui sortaient de l'eau. On n'a pas évoqué le cas des insectes. Les insectes, d'où viennent-ils et de quelle espèce maritime, puisque tout a commencé dans les océans, de quelle espèce maritime viennent-ils? Alors ça, c'est une question aussi qui c'est un petit peu un graal, finalement, pour les paléo-entomologistes, ceux qui travaillent sur les insectes fossiles. On a eu la chance à Stru de potentiellement avoir découvert le plus ancien insecte fossile complet. Qui date de quel 365 millions d'années, toujours pareil. Sur ce site de Stru. Ouais. Oui, parce que là aussi, il y a une question, un nœud paléontologique important, au carbonifère. Il y a déjà une grande diversification des insectes avec la plupart des représentants actuels, des grands groupes d'insectes actuels. Par contre, on ne trouve quasiment pas de restes fossiles, ou alors c'est un bout de mandibule par ici, ou comme le Astrude, un petit organisme quasiment complet. Ce qui est certain, c'est que les insectes étaient déjà présents au Dévonien, mais comme ce sont des organismes finalement assez fragiles, avec une carapace très fragile, souvent de petite taille, la fossilisation est très compliquée. Donc il est très rare d'en trouver. Mais les recherches se poursuivent, et en ce moment, je sais qu'il y a des équipes internationales qui cherchent dans des terrains très très fins, datés du Dévonien, les plus anciens insectes. Alors maintenant, d'où viennent-ils? C'est assez compliqué aussi, il y a différentes hypothèses. Il vient très certainement d'un groupe de crustacés. Voilà. Après, il y a aussi une autre énigme qui est l'apparition des ailes chez les insectes. Quel est l'homologue des ailes? Quelle est cette structure? D'où vient-elle? Et ça, il nous faut ces plus anciens fossiles, ces formes du Dévonien pour pouvoir mieux comprendre. Il manque encore pas mal de maillons finalement dans ces grands arbres de l'évolution, Gaël Clément. Voilà, alors on va peut-être pas utiliser le terme maillon parce que ça vous plaît pas non plus. On imagine une chaîne, donc forcément encore une fois une évolution très linéaire, mais effectivement il nous manque et c'est pour ça qu'il faut qu'on poursuive les recherches sur le terrain pour avoir de nouveaux fossiles, des périodes qui sont parfaitement sélectionnées par les chercheurs pour pouvoir comme dans l'histoire de la baleine avec ce plus ancien représentant du groupe des baleines en Inde, et puis également on a la chance d'avoir de nouveaux équipements scientifiques qui nous permettent de réexploiter des fossiles trouvés au 19e siècle ou au 20e siècle, comme par exemple les rayons X qui nous permettent de voir la structure interne des crânes fossiles ou des os des organismes. Nous reprendrons cette discussion dans la suite de cette émission et vous répondrez aux questions des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr et notre page Facebook. Mais pour l'heure, Hugo Struna, qui travaille au muséum comme vous, nous a rejoint. Bonjour Hugo. Bonjour Daniel. Vous êtes journaliste à Viginature, programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle. Comme toutes les semaines, vous nous plongez dans les sons de nature qu'étudient les scientifiques du muséum. Et pour cette dernière chronique, vous revenez sur une histoire de pierre qui chante. Depuis une centaine d'années, les placards du musée de l'Homme renfermaient plusieurs dizaines de gros pilons de pierre cylindrique d'environ un mètre de long. Ils avaient été découverts à la fin du 19e siècle dans le Sahara, leur âge estimé entre 2 et 10 000 ans. Des pilons donc, ou peut-être des haches, quoique un peu lourds quand même. Bon, en réalité, on ne savait pas vraiment ce que c'était, mais faute de mieux, on les baptisa les pilons du Sahara. Nous sommes en 2004 et l'ethnominéralogiste Éric Gontier décide de se pencher sur ces pierres avant que lui vienne une intuition. Il décide de taper sur l'une d'entre elles et un son plutôt harmonieux retentit. Il se précipite alors dans la première poubelle du muséum, extirpe des morceaux de mousse, il pose la pierre dessus, la percute à nouveau, et là, stupéfaction. Un son parfait d'une cloche de bronze, selon ses mots. Éric Gontier venait de découvrir l'un des tout premiers instruments de musique de notre histoire. Mais comment on peut être sûr qu'il s'agit d'un instrument de musique, Hugo ? Bon, déjà la forme et le poids font difficilement penser à un outil, à une arme, encore moins à un objet de décoration. Mais ce qui a vite ôté le doute, ce sont les nombreuses analyses acoustiques qui ont suivi. Ces pierres taillées par l'homme dans le schiste produisent un son impeccable, aussi pur qu'une cloche d'airain. Ils sont tous sculptés de la même façon. Une longueur 4,5 fois supérieure au diamètre pour une qualité sonore optimale. Enfin, au cours de ses voyages, Éric avait rencontré des peuples traditionnels qui possédaient le même type d'instrument sur l'île de Java, par exemple, ou en Afrique. Bref, fort de tous ces indices, les pilons du Sahara sont déclarés officiellement instruments de musique en 2009, appelés lithophones, litho pierre, phone son. Ces pierres qui chantent sont parmi les plus vieilles jamais découvertes à l'heure actuelle. Elles étaient restées silencieuses pendant près de 10 000 ans. petite gamme. Oui, une petite gamme. Est-ce qu'on sait comment nos ancêtres les utilisaient, ces lithophones? Non, difficile de le savoir. Les hommes du néolithique posaient sûrement la pierre sur un support en cuir ou sur des fibres végétales. Ils devaient ensuite taper dessus avec des cailloux, du bois, comme un xylophone en fait. On les voit bien en tout cas improviser des petits bœufs le soir autour du feu avec plusieurs instruments aux notes variées. Dehors, et même pourquoi pas dans des grottes, de récentes études ont en effet montré que les grottes ornées étaient aussi choisies pour leur acoustique. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Surtout que ces instruments étaient transportables, c'est pratique. Oui, ils ont été fabriqués pour transporter un son d'un endroit à un autre. Certains ont d'ailleurs été découverts à 1500 km de leur roche d'origine. On pouvait donc enregistrer un son en quelque sorte et le déplacer, un vrai transistor préhistorique. Alors là, on entend la plus belle pièce du musée de l'homme, baptisée le Stradivarius. Il aurait nécessité 2 ans de travail pour façonner grain par grain cette roche très dure. Écoutez ce Stradivarius de pierre qui peut résonner pendant 8 secondes. On croirait tinter une cloche de Notre-Dame. Et si les lithophones du muséum sont les plus vieux découverts, ce ne sont pas les premiers instruments de musique pour autant, Hugo ? Le premier est sans doute les cordes vocales, hein, mais le chant ne laisse pas de traces, malheureusement. Non, le plus ancien instrument à tester provient de la grotte de Hohlfels en Allemagne. Ce sont des flûtes taillées dans des squelettes de vautours, de cygnes et de mammouths, et datées de 35 000 ans. On bascule là au paléolithique, or c'est la période où Sapiens côtoie Néandertal en Europe, d'où la question légitime, qui est le premier musicien de notre histoire, c'est probablement Sapiens jusqu'à nouvel ordre. On entend là la reconstitution de ce tout premier instrument par Wulf Hein de l'université de Tübingen. Et que sont devenus les lithophones du muséum ? En 2014, 10 ans après sa découverte, Éric Gontier a voulu donner une seconde jeunesse à ces pierres qui chantent. Pour la première fois, il fait sortir 22 lithophones pour un concert inédit. Pendant 1 heure, 4 percussionnistes de l'Orchestre National de France ont fait revivre ces instruments ancestraux dans le grand amphithéâtre du muséum. Une grande première et la dernière, afin de préserver ces objets uniques. Depuis, les lithophones se sont rendormis dans les réserves du musée de l'Homme, renfermant avec eux les premières créations musicales de l'humanité. Merci Hugo Strina pour toutes ces découvertes auditives. C'était un plaisir de partager ces quelques bivouacs avec vous tout cet été encore une fois. Dans un instant, on replonge dans les océans avec le paléontologue Gaël Clément qui va répondre aux questions que vous lui avez envoyées. Resto a guardare il mare, l'immenso mare, e sento giungermi nel cuore un'onda d'amore infinita. Vorrei in riva al mare, amore, con te sognare. L'ebbrezza languida provare di darti in un bacio la vita, ma tu in riva al mare che fai? Non vuoi parlare? In te non senti un giunge a me, così resto a guardare il mare, l'immenso mare, e sento l'anima vibrare nell'onda d'amore. Ma tu guardare il mare, l'immenso mare, e sento l'anima vibrare nell'onda d'amore infinita. Con te Il marre la mer, c'était Raphaël Gualazzi sur France Inter, le temps d'un bivouac. Si je comprends, ils ont vu trois sélacanthes. Trois grosses queues et plein de petites nageoires, des yeux verts luisants. Ouais, ils ont le cul bordé de nouilles, parce que moi j'ai fait 15 plongées, j'en ai jamais vu plus d'un à la fois, et encore quand on le voyait. Mais bon, c'était un gros, hein. Eux c'est peut-être des tout petits. Hein. Eh bien la nouvelle du jour, c'est qu'ils sont toujours là, dans la grotte. Première plongée. Première seconde au fond, trois sélacanthes. La difficulté, c'est pas de trouver des sélacanthes, c'est d'accéder à leur univers. Ouais. Une fois que tu y es, ils sont là. Le plongeur naturaliste Laurent Balesta et son équipe lors de son expédition sur les traces du sélacanthe au large des côtes d'Afrique du Sud en 2013. Vous étiez de la partie, Gaël Clément, pour cette expédition. Pourquoi ce poisson, le sélacanthe, intéresse-t-il tant le paléontologue que vous êtes? Il est intéressant parce que donc je travaille sur les conditions de la terrestrialisation, donc des vertébrés, et les sélacanthes sont finalement les plus proches cousins marins des vertébrés terrestres. Et le groupe qui est vraiment à l'origine des tétrapodes, qui est un groupe de poissons, a disparu. Mais à l'époque, au Dévonien, ils avaient des cousins qui ont disparu en grande majorité, mais restent aujourd'hui deux de ces cousins, les dipneustes, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, et les sélacanthes. Mmh. Et les sélacanthes sont particulièrement intéressants, d'abord parce qu'ils existent toujours, même s'ils sont rares et difficiles d'accès. C'était une surprise, entre parenthèses, parce que il y a une époque où les sélacanthes étaient très diversifiés, avec de très nombreuses espèces, ils avaient colonisé un peu toutes les mers du globe, et on les croyait complètement disparus, ces poissons, et il n'y a pas si longtemps que ça, on retrouve une ou deux espèces cousines de sélacanthes, justement, alors au large des Comores et puis au large de l'Afrique du Sud. Et ça, pour les biologistes, c'était une véritable surprise. Ah oui, ça a été une surprise pour les biologistes et les paléontologues, parce que les fossiles de sélacanthes étaient déjà connus dès le 19e siècle. Et déjà, les paléontologues avaient vu qu'il y avait une relation de parenté très proche avec les tétrapodes. De nombreux fossiles au Trias, au Jurassique, au Crétacé, et puis pendant les derniers 70 millions d'années, aucune trace de sélacanthes fossiles. Donc tout le monde pensait que les sélacanthes avaient disparu en même temps que les ammonites et les dinosaures non-oiseaux. Et ça a été une surprise en 1938, quand effectivement un sélacanthe vivant a été pêché au large de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on sait qu'il y a deux espèces de sélacanthes, une le long du canal du Mozambique, entre effectivement les Comores et l'Afrique du Sud, et une autre découverte en 1997, donc c'est très récent, en Indonésie. Et ce poisson, le sélacanthe, est souvent présenté à tort comme un fossile vivant. Je vous pose la question de Théo et vous allez pouvoir répondre à tout ça. Reste-t-il des organismes vivants qui n'ont pas ou presque évolué dans l'océan depuis la création de la vie? Cette idée que certains animaux comme ça se stoppent dans leur évolution et restent comme des sortes de fossiles vivants, est-ce qu'elle a lieu d'être pour un paléontologue? Alors, elle n'a pas lieu d'être du tout, puisque l'évolution est toujours en avance, elle a toujours lieu. Il y a une idée aussi qui est très très ancrée dans l'imaginaire, c'est que on va toujours vers un progrès, c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution donc dans le milieu marin, et puis à un moment donné, puisque un certain groupe d'organismes marins ont donné les premiers tétrapodes, qui par la suite se sont développés pour donner les vertébrés terrestres, finalement, l'évolution s'est stoppée. Dans le milieu marin, puisque finalement le job avait été fait. Donc c'est complètement faux, bien évidemment, et tous les organismes évoluent, certains disparaissent, d'autres se diversifient. Si parfois il y a des formes fossiles qui sont très similaires à des formes actuelles, c'est une impression généralement de silhouette finalement de ce fossile. Puisque quand on a un organisme actuel, on a toutes les structures, on a tous les organes, on a le génome. Par contre, quand on a un fossile, on n'a que les structures minéralisées. Donc les os, ou les dents, ou la carapace. Ce qui ne veut pas dire que même si morphologiquement ils se ressemblaient, ils étaient très très proches parents, et il y avait des différences importantes, certainement encore beaucoup plus au niveau d'ailleurs du génome. Rapidement, en 20 secondes, Françoise vous demande, le fait que la vie soit apparue dans les océans et s'y soit diversifiée avant de coloniser la Terre, ne devrait-il pas être pris en compte dans la recherche de vie ailleurs, sur d'autres planètes? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller la chercher dans les océans? On sait que certaines planètes ont des océans souterrains. Ah oui, c'est certain, au niveau de l'exploration spatiale de la vie extraterrestre, il est intéressant de s'intéresser aux océans d'autres planètes. Après, moi en tant que paléontologue et terrien, je trouve qu'il faut presque plus s'intéresser encore à la découverte de notre milieu aquatique, notre milieu marin, qu'on connaît très très mal, en particulier dans les abysses, plutôt que d'aller explorer le milieu spatial. Merci Gaël. Clément, on peut faire les deux. Bien sûr. Je rappelle que l'on peut découvrir l'exposition Océan, une plongée insolite dans la grande galerie de l'évolution. On y voit d'ailleurs un joli spécimen de Célacanthe. Dans un instant, nous allons nous intéresser à la vie et au voyage d'un des plus importants ethnologues du XXe siècle, Claude Lévi-Strauss. Nous allons revenir sur les expéditions qu'il a menées au centre du Brésil pour aller à la rencontre de tribus indiennes. Et pour nous emmener sur les pas de ce savant écrivain qui a réinventé l'anthropologie, nous serons en compagnie d'Emmanuel Loyer.